Raptors entreront bientôt dans Milan. Vous croyez? Je peux me fier à vous, n'est-ce pas? Oui. Je cache ici, dans mon auberge, deux Français. Deux Français? Un soldat et une vivandière. Nous voulons les voir. Soit, mais au moindre danger... Oui. Voici ma nièce Claudine, cantinière. Et puis Monsieur Robert, officier du même régiment. Bonjour mes amis. Mais comment êtes-vous ici? L'histoire est simple, la voici. Par prudence, faisons semblant de danser une tarentelle en l'écoutant. Nous étions à Novare, logés dans un château. Voilà que son pays est qu'un ressoupitot. Jugé de l'équiper, un tas de seigneurs soudains. Montre-nous mettre l'épée à la main. Oh, nous défendons de ces escogriffes. Et nous escrivons tous ceux qui veulent le griffe. Déployés à leur gré, dirigent en soubette, en bataille en carré. Nous faisons notre tête. Mais pendant que dans l'ombre, nous décampions vivants, dans un bois la nuit sombre nous surprend. Vivant ces bons apôtres, tous deux nous trouvons. C'est parmi nos trois autres compagnons, nos compagnons, tous deux nous trouvons. J'appelle, rien ne répond à notre voix. Claudine et moi, chance cruelle, nous étions seuls dans ce grand bois. Et le matin, voyez l'aventure, voilà qu'une voiture fatiguée. En nous, elle s'arrête, Claudine lève la tête, de l'échappe. Mon oncle, ma nièce, de cris d'allégresse, c'est une masse. Voilà la bête qui avance. À quel bonheur il nous emmène, et bien caché à tous les yeux. Sans crainte ici, l'on nous surprenne, quand mille ans nous voilà tous deux. Vous le voyez, mes amis, vous êtes en sûreté chez moi. Merci, monsieur Clampas. Mon bravo. Vous nous avez sauvés, mais nous ne pouvons rester ici. Nous devons rejoindre notre régiment. Quitter Milan, mais c'est impossible. Il faut un sauf-conduit du gouverneur. Aïe. Qu'importe, nous forcerons la consigne. Oh, le lieutenant a raison. Il faut à tout prix retrouver nos camarades. Attendez donc, il me pousse une idée. Un de mes amis habite tout près des portes de la ville, rue Bonifacio 27. S'il consentait à vous recevoir chez lui, de là, il vous serait facile de vous glisser dehors. Mais bravo, excellente idée. Je vais aller moi-même lui demander s'il consente à nous donner asile. Vous, Claudine, sous ce costume de vivandière? On n'est pas né d'hier. Avec cette cape et ce panier, ni vu ni connu. Oui, mais enfin, soyez prudent. Ah, pas peur, mon lieutenant. On a le fil. Oui, madame, je suis le maître, entendez-vous? Je te vois. Mais il me semble que... C'est un vieux monsieur qui est venu hier soir loger avec sa femme. Allez, rentrez vite dans votre chambre, Robert. Oui. Et toi, Claudine, file au galop. Oh, oser élever la voix après ma voix. Oh, ridiculisé. A-t-on jamais vu une chose pareille? Oh, mon cher duc. Ah. Oh, vous enfin. Oh, mon cher Papini, je commençais à craindre que vous n'eussiez renoncé à vos projets de mariage. Oh, du tout. Les difficultés m'excitent. Il me faut Stella. Je la veux. Vous l'aurez. Je suis convaincu que ce Robert qui nous l'a enlevé s'est réfugié dans Milan. Une fois que nous le tiendrons, nous tiendrons Stella. Mais c'est évident. Mais voyons, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un carrosse qui s'arrête à la porte. C'est le neveu du gouverneur. Comment? Oh. Il descend chez moi, quel honneur! Beppo, Josepha, Katharina, vite! Oh, écoutez, je cours passer un ami et recevoir le jeune homme. Il pourra nous servir. Parfait. À tout à l'heure! Vive Marseille! Allez, mes frères, et que la paix du Seigneur soit avec vous, Dominus Domino. Quel honneur pour ma maison. Il suffit, aubergiste. Dis à mon cocher de venir prendre mes ordres. Oui, monseigneur. Ça y est, nous y voilà. Satané Major, savez-vous, vous avez là une grande idée? Je le crois, fiston. Ce carrosse croisé sur la route et conduit par un petit cocher anglais a été notre providence. Nous en faisons descendre les trois occupants. Avec une exquise politesse, nous leur empruntons leurs habits. Avec une exquise politesse. Nous les endossons. Je deviens grand seigneur et Stella, petit cocher anglais. Moi, capucin, et fouette cocher, nous filons au galop. Ha ha! Satané Montabor. Ha ha ha! Farceur de griolet. Ouh! Quelqu'un! Silence dans les rangs! Ah, où est-il? Où est-il? Ah, ah, le voilà! Ah, monseigneur! Le vieux de là-bas. Nom d'un pépin. As-tu mis un jeune? Le duc de la Volta pour vous servir. Mon cher duc, franchement, tu... Vite, il faut prévenir Stella. J'y cours. Trop tard. La voilà. Monseigneur, il désirait parler à moi. Oh, le duc ici. Débarrassez-le de son lorgnon, je réponds du reste. Hop! Voilà qui est fait. Mais quel est ce jeune homme? Mon cocher depuis toujours. Il y a 53 ans qu'il est à mon service. Comment? Et 53 ans de père en fils. Nous étions tous cochers dans la famille de moi.